Je fais un truc comme dans un combiné. Oui, c'est ça, allez. Faut un truc spécial pour France Inter, tu vois, genre. J'ouvre. Première question, attention. Quand allez-vous enfin? Il y a marqué quand allez-vous aller virer Nagui. En fait, les questions, elles sont mal écrites. Ce n'est pas du vrai français. Il y a marqué quand allez-vous aller virer Nagui. Ça veut dire quand allez-vous enfin virer Nagui, je pense. C'est ça. Je pense qu'à un moment, Nagui, il va avoir trop d'argent. Je pense qu'il va se dire, je travaille quand même beaucoup. J'ai genre 900 émissions par semaine. Ça fait un peu beaucoup. Donc, il faut que voilà, je vais aller vivre dans mon... Il a un château, Nagui. Enfin, non, il a plusieurs châteaux, je pense, dans différents pays d'Europe, et quand il aura trop de sous, il va me confier l'émission. C'est bien, Nagui, ce qu'il fait. Non, putain, c'est faillot ce que je viens de dire. Jérém G. À Guillermo, Pepito, Ernesto, Petit Caligno, continue de parler de ta teub, ça nous donne un peu moins envie de crever dans un programme du FN. J'aime bien parler de ma teub. C'est vrai que, en fait, moi, je connais pas beaucoup d'autres sujets, et je m'intéresse assez peu à la politique ou aux sciences sociales. Et je regarde, je lis des livres et tout, mais j'ai pas bonne mémoire, donc je retiens rien. Donc j'arrive jamais à avoir une synthèse un peu intéressante. Donc je parle du seul truc que je connais vraiment un petit peu, qui est mon misérable sexe, à qui j'essaie de faire vivre des expériences diverses et variées pour pouvoir les raconter sur France Inter. Vaslav Eli, question à toute l'équipe. Ah. J'aimerais en savoir plus sur la disparition de Pierre-Emmanuel Barré. Et sur les raisons de son départ, j'adore ce que vous faites, surtout Guillermo Guise, qui me doit encore 1200 balles de coke. Merde, je savais pas qu'il regardait l'émission. Ah, écoute, je suis désolé, j'économise. Je te fais un virement. La disparition de Pierre-Emmanuel Barré n'est pas mort. Hein. Il faut quand même qu'on règle ça, une fois pour toutes. Je pense qu'il se porte très très bien. Mamadou Moussa, pour Marina et Guillermo, qu'est-ce qui vous touche, Marc, le plus dans un spectacle de stand-up? Et est-ce que vous pouvez trouver quelqu'un drôle, même si vous n'êtes pas du tout d'accord avec son point de vue? Ouais, moi je trouve que Jean Roucas, par exemple, c'est quelqu'un qui me fait mourir de rire, alors que clairement, il est sur un truc où il n'aime pas tellement les étrangers, les homosexuels, et tout ça. Mais sinon, j'aurais dû dormir plus cette nuit. Hein. J'aurais fait des réponses un peu plus structurées. Ce qui me marque dans un spectacle de stand-up, c'est les gens qui me sortent des réflexions auxquelles j'aurais pas pu avoir accès moi-même, et où je me dis putain, ça c'est intelligent, et si jamais derrière il a une punchline qui est vraiment très très forte, ben alors c'est Louis C.K. et des gens comme ça qui sont les meilleurs de leur discipline, ou Blanche Gardin, ou des gens de ce type-là qui font des trucs que moi je serais pas encore capable de faire, et j'espère pouvoir faire un jour, je crois. Je touche du bois. Les formats des papiers sont chaque fois différents, je sais pas qui a découpé ça, mais c'est quelqu'un qui a pas un esprit. Alors, Swin, avec un point d'exclamation, ça c'est le pseudo de la personne. Pourquoi Guillermo et Marina sont autant critiqués malgré leur talent? Eh ben, je vais t'avouer un truc, c'est que je sais pas que je suis critiqué parce que je vais pas sur YouTube. Je regarde pas. Il y en a qui vont, moi j'en ai un branlé, j'y vais jamais. Donc continuez à m'insulter sur YouTube, y'a pas de problème. Je m'en branle parce que j'y vais jamais. Donc faites-vous plaisir les amis, Internet c'est libre, si vous aimez pas ce qu'on fait, c'est normal, y a pas de problème. On est payé avec vos impôts et donc c'est logique que vous critiquez. Donc allez-y, et pour ceux qui aiment bien, ben... tant mieux. Laszlo Kovacs, cher Ernesto, comment vivez-vous, vous autres Belges, le fait d'avoir fait partie du Royaume de France il y a fort longtemps? Cela vous a-t-il poussé vers cette originalité qui fait votre différence? Bien à vous, un auditeur qui comprend votre diction. En fait, je pense que c'est premier degré. Je pense qu'il est vraiment, et c'est une vraie question, et ça me touche, qu'il ait dit que la Belgique faisait partie du Royaume de France. Il y a très longtemps, je ne suis pas sûr de l'exactitude vraiment historique du truc. Ça doit être, c'est semi-correct. On a peut-être fait partie du Royaume de France. Moi, je pense que c'était plutôt plus après, avec Napoléon et tous ces gens-là. Et s'ils nous voient, on salue Bonaparte. Mais est-ce que cette originalité vient du fait qu'on a fait partie du Royaume de France? Cette question, elle est trop chelou, à trop de niveaux, en fait. Je suis désolé, il y a trop de niveaux de lecture. Merci de comprendre ma diction. C'est tout ce que je peux retenir de cette question-là. Pourquoi on a l'impression que tu vas mourir à chaque fois que tu ouvres ta bouche? Signé MeTube. Sinon, continue comme ça. J'aime bien le côté « Ah putain, je viens de dire un truc horrible. Je vais essayer de faire quelque chose de sympa derrière. Ouais, putain, j'ai envie que ta famille meure, mais bonjour à ta sœur. » C'est vraiment un truc. c'est compliqué. L'expression orale, c'est compliqué pour moi, et la vie, c'est compliqué pour moi. Donc c'est un truc qui fait que les chroniques radio, c'est compliqué. Mais pour le moment, j'arrive à bien faire semblant, je crois. Et tant mieux. Bon, ici, alors, une suite de consonnes. On dirait un nom d'Europe de l'Est. Pablo Mira, président. Jusqu'ici, tout va bien. Guillaume Meurice à l'économie, toujours d'accord. Charline, ministre de la Culture. Très bien. Pastureau, ministre de l'Intérieur. Pastureau, ministre de l'Intérieur, je suis pas sûr. Marina, la justice. Ça, je pense que Marina, tu peux la mettre à toutes les sauces. Je pense que ce sera toujours mieux que moi, où que ce soit. Et Guillermo, ministre du Travail. Voilà, c'était ma question. Ministre du Travail, je suis vraiment pas sûr parce que je suis pas un gros bosseur. Je pense que ministre du Travail, ce serait genre, ouais, dorénavant, la semaine des 11 h est instituée. Et on va distribuer tout ce qu'on a comme sous jusqu'à ce que le pays soit en faillite. Ça, ce serait mon programme. J'aimerais savoir qui sont les humoristes préférés de mes humoristes préférés. Guillaume, Charline, Pablo, Marina et Guillermo. Louis C.K., Bill Burr, Dave Chappelle, Blanche Gardin, Baptiste Le Caplain, Farid, et j'en oublie, Édouard Baer évidemment, Daniel Morin, Marina Rollman et plein d'autres gens que je peux pas citer parce que j'ai une très mauvaise mémoire. Et je vais me faire des ennemis si. On pourra couper et mettre en sous-titre plein d'autres humoristes que je vous dirai après quand je me serai rappelé d'eux. Carrément. Merci. Ulysse Rousseau. Comment va ton foie, Guillermo? Une tournée est prévue? Un nouveau spectacle? Tu es la fraîcheur de France Inter et merci à toi, ton humour et tes pensées. Tu occupes mes insomnies de rire, de joie, de questionnement sur toi et sur le reste. Continue. Voilà, bah, Ulysse Rousseau, ça fait un peu Élise Lucet, comme je le prononce. Putain, de Ulysse Rousseau, on passe à Élise Lucet, c'est dire à quel point c'est un truc de dingue! Et c'est pas exprès en plus, hein? J'aimerais bien prononcer bien. Écoute, moi ça va, ça fait plaisir, Élise, si tu es gentil. N'hésite pas à m'envoyer des messages privés pour me dire des trucs comme ça. Patibulaire. Guillaume Auguste, de la part d'un Belge qui va rejoindre la France, rassurez-moi, on s'y fait aux Français? Jamais. C'est d'ailleurs pour ça que je vais terminer cette question le plus rapidement possible pour pouvoir reprendre mon Thalys et rentrer à la maison le plus vite possible. Basile Philippe. Guillaume Auguste, j'habite à Bruxelles. T'es chaud de me faire un sketch privé? Je t'offrirai du café. Je crois que la récompense, elle n'est pas à la hauteur de la demande. Honnêtement, je suis pas très café, moi. Et faire des sketchs privés, franchement, il faudrait que tu sois vraiment, vraiment très, très belle, quoi. Basile Philippe. À moins que. Basile, peut-être c'est un nom de meuf, peut-être. Mais je te soupçonne d'être un mec et je pense que ça va pas se faire, cette histoire de sketchs privés.